écoutez Chérie FM, Étang de Berre. Chérie FM, Étang de Berre. Sur 106 FM. Prenez de bonnes résolutions. Pour faire de vraies économies, rendez-vous vite à la Socialienne Marseille-Provence à Vitrolles. Venez découvrir les meilleures affaires de la région. Des prix fous. La Socialienne, encore plus de prix, encore plus de services, encore plus d'économies pour toujours plus de bonheur. Avec la Socialienne, enfin, changez votre vision de l'automobile. La Socialienne, 13 avenue de Londres, Zédy-les-Estroublants, Vitrolles. La Socialienne, 04 42 155 155. Du 23 septembre au 5 octobre, faites vos courses dans les commerces de Berre-l'Étang pour gagner de nombreux lots et participez également à la grande tombola pour gagner une Renault Twingo. Tentez votre chance et rejoignez-nous le samedi 5 octobre, place Jean Moulin, dès 9h pour les Berratines. Nombreuses animations pour les enfants, exposition de voitures anciennes, contrôle et réglage gratuit des phares, marché des commerçants de la ville, restauration assurée par les restaurants de Berre-l'Étang, démonstration du pâté Just Dance, participation des différentes sections de la Maison pour tous Léo Lagrange, danse du monde avec l'association Natuniaya, concert gratuit avec Berre la plume et ne manquez surtout pas dès 16h les différents tirages au sort dès le 24 septembre. Venez nous rejoindre dans les rues commerçantes de Berre-l'Étang avec des rendez-vous surprises. Recherchez-nous dans les rues de Berre-l'Étang et participez au grattage. Plus de 342 gagnants au programme. Tous les jours, des cadeaux avec les commerces de la DEB. Renseignements complémentaires sur la page Facebook Cœur de Berre et sur le site internet berre-l'étang.fr ainsi qu'Instagram Ville de Berre. Berre-l'Étang, le commerce à cœur. L'association Léo Lagrange vous informe à Berre-l'Étang de ses activités pour cette nouvelle saison 2019-2020. Entre chorale, chorale de jazz, box tao, cours de pilates zumba, ou encore le shinkong, la danse en ligne, l'urban training, la marche nordique, le cyclotourisme et les sorties VTT, de nombreuses activités vous attendent pour cette nouvelle année. Alors n'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet leolagrangeberre-l'étang.fr ou infoline au 06 51 04 55 89. Et attention, nouveauté cette année, la box tao, le mercredi en après-midi de 14h à 16h. Retrouvez tous les jeudis entre 11h et 12h l'émission de voyance en direct avec Christelle Adjitia sur Chérie FM 106. Vous pouvez nous contacter au 04 42 77 13 13. Amour, travail, santé, Christelle Adjitia vous donne la clé de votre avenir. Alors rendez-vous tous les jeudis sur Chérie FM 106 de 11h à 12h avec l'émission de voyance en direct avec Christelle Adjitia. Vous écoutez Chérie FM Étang de Berre. Chérie FM Étang de Berre sur 106 FM. Maintenant, Chérie FM vous offre la plus belle musique non-stop.